neti savoir faire la mabé manger une fois. Bon, mon saut non non, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Qui sourit neti savoir faire la mabé manger une fois. Bon, mon saut non non, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Je moi pas de besoin manger ou si m'a do connait c'est plaisant qui bigor comprendre c'est tout bon qui sourit assez manger grain quoi pour yo pas prendre dans belle ma pourri entrer dans yo qui pour yo pas bien temps pour gêné à la côte que suis à la côte que suis tout la journée. À la côte des souris, à la côte des souris, à la côte des souris, toute la journée. C'est tu, souris ta manger tout maya la menou la nou pa gen kòl nou la sou ta manger maya la nan figu ou pa pou pa dan rien sa li la souris jade